Voilà. Alors, je vais vous expliquer les eaux de Marly aujourd'hui. Donc, les eaux de Marly dépendent du service des fontaines du château de Versailles, mais en fait, c'est le service des fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud. Donc, on a trois gestions différentes pour trois parcs différents. Donc, Marly, jusqu'en 2009, tout ce qui concernait les travaux dépendait du service national des travaux. Et à partir de 2009, nous dépendons du château de Versailles. Donc, la mission première du service des fontaines est tout de même de faire fonctionner des grandes eaux et de mettre des jets en place. Mais pour tout ça, il faut un certain entretien et faire des différents travaux. Donc, je vais vous montrer tout cela depuis une certaine période, depuis 2004. Donc, à peu près la période où M. Bultez, notre chef de service, est arrivé au service donc en 2003. Donc, différentes choses se sont passées, donc je vais vous les raconter au fur et à mesure. Donc, les grandes eaux de Marly, c'est surtout un grand jet, le grand jet de Marly, qui est censé faire 38 mètres. Mais en général, il est ouvert à une taille moindre. Nous avons aussi le bas de la cascade de Marly, qui existe encore, avec quelques jets d'eau. Et sinon, en 2004, l'abreuvoir de Marly n'était pas encore restauré. Donc depuis, il a été restauré en 2006, mais il se retrouve encore sans jets d'eau. Et dernier plan d'eau important, c'est le miroir de Marly. Donc je vous ai mis cette photo avec la vue vers le château. Et on voit deux tampons devant où on a une chambre pour actionner une vanne qui permet de vider l'eau vers l'abreuvoir, enfin d'alimenter l'abreuvoir. Donc voilà, donc le réseau hydraulique de Marly est assez faible. Pour faire fonctionner l'ensemble, vous avez le grand réservoir des deux portes qui est l'héritage de la machine de Marly. Donc, à l'époque de Louis XIV, on pouvait faire fonctionner les eaux grâce à ce réservoir, mais pas que, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, le fonctionnement de nos jets se fait à partir de l'eau potable. Donc, ce qui n'est pas l'idéal de la gestion de grandes eaux, puisque à Versailles, nous fonctionnons avec de l'eau brute pompée au canal, donc on cherche à minimiser l'utilisation de l'eau potable. Donc, on voudrait faire la même chose à Marly, ce qui n'est pas tout à fait possible. Voilà. Donc, donc, on alimente d'abord le bas de la cascade de l'ancienne grande rivière de Marly. On alimente également le grand jet. Puis, du grand jet, l'eau passe ou en aqueduc ou en conduite vers la houppe. Vers la grande pièce que l'on appelle le miroir d'eau, qui lui-même alimente l'abreuvoir. Donc, il a fallu, à partir de la date de 2004, trouver d'autres sources en eau à Marly. Donc, on a cherché les réseaux hydrauliques historiques, et là, Bruno Benz nous a fourni deux plans importants où l'on pouvait voir que l'alimentation des fontaines se faisait grâce à des aqueducs souterrains. Donc ces aqueducs souterrains, vous les voyez, ce sont ces lignes-là, avec quelques points, ce sont des tampons d'accès. Donc vous en avez plusieurs tout autour du château. Ah voilà, tout autour du château et de la grande place autour du miroir d'eau. Donc, on a essayé de recaler ce plan-ci, puis ce plan-là. Et on a comparé et on a cherché à voir lequel des deux était le plus précis. Et on en a conclu que c'était celui-là. Donc, à partir de ce plan-là, on a démarré un recalage sur AutoCAD. Donc, le fond de plan, c'est un plan topo avec toute l'altimétrie de Marly, l'emplacement des bassins et du château. Et à partir de ce recalage, on a redessiné en rouge les aqueducs et tous les tampons d'accès. Et à partir de là, on a cherché ces fameux tampons d'accès qui, bien sûr, sont d'époque et en pierre, donc assez difficiles à trouver puisqu'on ne peut pas utiliser de détecteur de métaux pour les repérer. Donc, ce n'est pas toujours facile à retrouver. Vous le verrez sur les prochaines images. Donc, à partir du moment où on a repéré l'emplacement de tous ces aqueducs-là, on a repéré également les zones humides du parc. Donc, si un aqueduc n'est pas curé, il n'est pas nettoyé, l'assainissement du terrain ne peut pas se faire correctement. Et donc, il y a des zones humides qui se situent surtout vers les points bas de ces aqueducs-là et qui posent problème dans le parc. Donc, ce sont les premières interventions à faire dans le parc, c'est d'assainir ces zones-là. À partir de toutes les analyses qui ont pu être faites, donc de l'état du terrain, des travaux qui doivent être réalisés en urgence, M. Bultez a proposé, en 2006, de réaliser des premiers travaux afin de réhabiliter les grandes eaux de Marly. Donc, vous avez les bassins principaux, donc l'actuel Granger, les bassins des appartements qui n'existent plus mais dont on a encore la trace, les quatre gerbes, le miroir d'eau et ici le bassin des nappes. Voilà. Tout cela constitue une perspective à partir du château où il serait bon de restaurer les fontaines visibles. Et donc, M. Bultez a proposé un projet de recréation donc de conduite, comme sur les plans anciens, pour réalimenter chacun de ces bassins. En tenant compte de l'apport d'eau, également des aqueducs existants. Voilà, ici vous avez l'exemple de l'aqueduc du Couchant. Vous voyez, la partie en jaune signifie que c'est la partie qui serait à curer en urgence. Voilà. Donc cet aqueduc apporte beaucoup d'eau et peut servir de réservoir pour le fonctionnement du nouveau jet qui a été créé sur le miroir d'eau. Donc ce que M. Bultez proposait, c'est déjà de récupérer cette eau, de faire fonctionner un premier jet et à partir de là, pouvoir réhabiliter d'autres jets. Par exemple, le bassin du miroir pouvait avoir jusqu'à 5 jets. Donc là, une étude importante est à faire sur quel jardin on voudrait réhabiliter et à quelle époque et quel effet d'eau on aurait besoin d'avoir. Parce qu'on ne peut pas faire des anachronismes sur l'histoire des fontaines. Ah, donc, il y a vous avez cette carte avec les travaux qui pourraient être faits. Donc, le fameux aqueduc du Couchant que je vous ai montré tout à l'heure, on le retrouve ici. Vous avez l'aqueduc du Couchant, donc, dont l'eau a besoin d'être récupérée. Donc, il fallait absolument retrouver tout cet aqueduc dans son intégralité pour pouvoir le nettoyer. Donc, à partir du calage sur le plan, on a déterminé qu'il pouvait y avoir un tampon d'accès dans le jardin de M. Dédé que vous avez en photo à droite de l'écran. Donc, ce jardinier avait une conduite en PVC qui retombait dans une sorte de puits et donc il pensait que ça pouvait être l'accès à l'aqueduc. Donc, Bruno, Benz et M. Bultez se sont chargés de dégager ce fameux tampon. Et effectivement, on découvre un tampon en pierre d'époque. Et là, on retrouve un puits d'accès sur cet aqueduc du Couchant. Donc c'est très intéressant d'avoir des plans d'époque recalés sur des plans d'aujourd'hui qui permettent de retrouver des réseaux historiques. Voilà. Et on voit que l'état de ces aqueducs sont en très bon état, hormis le fond qui nécessite un curage. Donc, suite à cette découverte, tout l'aqueduc du couchant a été retrouvé et a pu être curé. Donc là, c'est une entreprise qui est venue dans ce grand aqueduc et a commencé un travail d'évacuation des boues et des vases. Ici, je vous ai mis une photo du tampon où on évacue ces boues. Donc c'est le tampon qui est à l'extrémité de l'aqueduc du couchant. Donc vous voyez tout le matériel qu'il faut avoir pour pouvoir évacuer petit à petit et patiemment toutes ces boues. Voilà. Je vous ai mis un autre exemple, c'est l'aqueduc des Bonnes Eaux, donc au sud du château, ici, qui a pu être retrouvé aussi, mais je pense que là, Bruno le connaissait déjà. Je ne pense pas que c'est grâce au calage, je ne sais plus, non ? Non, donc c'est grâce au calage du plan qu'on a pu retrouver ces tampons. Donc là, ce sont des aqueducs assez particuliers parce qu'ils sont dans le coteau de Versailles et donc on arrive à une certaine altimétrie. Donc entre l'altimétrie de l'aqueduc, j'ai un peu peur de... Ah là, ici, de cette partie-là, et la terrasse du château, on a un dénivelé de 30 mètres. Donc, les puits de cet aqueduc peuvent être très profonds. Et donc, il faut des infrastructures particulières pour pouvoir accéder au fond de ces puits et pour pouvoir faire le nettoyage. Donc là, vous voyez que ce sont des très beaux puits et qu'il faut une installation particulière parce que les ouvriers doivent descendre en bas et ils doivent remonter des seaux entiers. Et ici, vous avez une sorte de tampon de protection pour éviter que, lorsque le seau remonte, si le seau se renverse, il ne blesse la personne qui est au fond. Donc, c'est un espèce de tampon de protection pour l'ouvrier qui est en bas. Donc, il y a des astuces pour pouvoir faire les curages qui ont été mis en place spécialement pour ces aqueducs très particuliers. Voilà. Et pour bien protéger l'ensemble, des coffrages sont nécessaires pour protéger toute la maçonnerie. Ici, un autre exemple, l'aqueduc de la terrasse, qui là a été trouvé plutôt par hasard, et pas du tout grâce au plan de recalage. Donc, à partir du bassin de l'appartement, qui est ici, il y avait... Ça, c'est Bruno qui pourrait le raconter, puisqu'apparemment, il était là, non ? Il y avait un trou qui se formait à côté de ce bassin. Une autre mission avait été investie par le service des fontaines, c'était la recherche de certains tampons. Et en fait, on a trouvé ce trou d'accès. Et donc, quelques personnes sont rentrées en bas et ont pu remonter une partie de cet aqueduc de la terrasse vers le château. Mais en remontant cette terrasse, ils ont découvert cette grande chambre souterraine qui n'est mentionnée sur aucun des plans que l'on connaît. Donc, par hasard, on peut découvrir encore des réseaux historiques qui ne sont pas donnés par les documents d'archives. Donc, lorsqu'on trouve de tels ouvrages qui sont très importants donc pour la collecte des eaux, le service des fontaines protège cet ensemble. Donc là, vous voyez que tout a été dégagé. Mais ensuite, on recrée une chape béton pour pouvoir le protéger. Et on recrée également un tampon d'accès pour faciliter la descente à l'intérieur. D'autres cas de recherche, ce sont les recherches d'autres sources. Donc à partir de plans historiques, pareil, on peut recaler les documents sur Google Earth, par exemple, ou sur DSIG. Ici, j'ai pris l'exemple de Google Earth, le plus simple, car à partir de ce plan-là, c'était très facile à recaler. Donc, ce que l'on recherchait, c'était l'eau de source du village, qui est ici bien représentée sur cette carte. Donc, en recalant parfaitement, on a la situation exacte sur le terrain aujourd'hui. Voilà, donc on se repère et ensuite il n'y a plus qu'à retirer le plan historique pour avoir la situation. Et lorsqu'on prend Google Earth, on peut aussi avoir une vision dans la rue. Donc lorsqu'on se projette dans la rue, on repère que c'est ce fameux tampon qui est sur la route qui est censé être le point de la source. Ici, je vous ai dessiné le sens de l'eau, puisque je vous montrerai les images après. Donc l'eau arrive ici, dans une chambre, et s'évacue dans ce sens-là, vers le parc, vers l'ancien réservoir du couchant qui a disparu. Voilà. Donc voici ce que l'on découvre. Donc ce sont vraiment des eaux de source qui sont collectées dans des chambres vraiment magnifiques en pierre de taille. Et donc on retrouve cette eau de source que l'on pourrait collecter et récupérer pour le fonctionnement de nos eaux. Malheureusement, on a un souci, puisqu'à cette époque-là, l'eau arrivait dans le réservoir du couchant qui est ici et ce réservoir a disparu. Donc cet aqueduc a été bouchonné à un endroit que l'on ne connaît pas et donc inonde toute une partie de ce parc-là. Voilà. Mais cette eau serait très intéressante à récupérer. Donc là, c'est l'état de Marly quasiment actuel. Donc avant les travaux pour la proposition de 2G. Donc, M. Bultez avait proposé plusieurs effets d'eau. Et si l'on repositionnait tous les bassins, donc par exemple les 4 gerbes, les appartements et les nappes, c'est ça que je voulais vous montrer, on pourrait aboutir à ce genre de parc. Mais bien sûr, il ne faut pas prendre cette image en compte, c'est juste une proposition car c'est la position exacte des jets, sans les effets d'eau réels. Là, on prend en compte qu'il y a 5 jets dans le miroir, mais on ne sait pas si c'est la position que l'on va prendre ou si l'on garde un seul jet dans le bassin. Donc là, c'est juste une image de ce que ça pourrait être si l'on réalisait la totalité des effets d'eau avec les jets. Donc tout ceci a été préparé par M. Bultez qui a préparé une sorte d'échéancier sur tous les types de travaux qu'il faudrait réaliser, donc en 3 étapes. C'était à l'époque, bien sûr, ça n'a pas été réalisé. Tant sur la partie de restauration des bassins, comme le bassin du Grand G, ou alors la recréation de G, ou sur les parties d'assainissement. En fait, tout a été pris en compte sur le terrain et budgété pour pouvoir recréer des G à Marly. Donc, en 2009, Marly et notre service dépendent du château de Versailles. Et donc, on a eu des budgets pour pouvoir réaliser un premier effet d'eau sur une proposition de projet de M. Bultez. Donc, voici sa proposition. Donc, puisque nous n'avons plus cette capacité d'eau de l'ancien réservoir du couchant, on va utiliser l'aqueduc du couchant qui arrive dessus, celui-ci, comme réservoir. Puis, de ce réservoir, nouveau réservoir, mais c'est toujours un aqueduc, on va utiliser la pente du terrain pour créer une chute d'eau qui va descendre vers une chambre où l'on installera, où on a installé une microturbine. Donc, une microturbine fonctionne grâce à l'énergie hydraulique et peut produire de l'énergie électrique. Donc, cette microturbine produisant de l'électricité peut faire fonctionner les vannes pour l'ouverture du fameux jet qui a été placé ici sur le miroir. Donc, on a également intégré une horloge, un programmateur, qui permet l'ouverture de ce jet à certaines heures. On sait que la capacité de cet aqueduc n'est pas énorme. Donc, on fait fonctionner ce jet les week-ends pendant une demi-heure. Donc, la turbine a le temps de se régénérer et on a les moyens de faire fonctionner ce jet automatiquement. Donc, le but de M. Bultez était de prendre l'eau qui est sur le terrain, donc l'eau en local, ne pas utiliser de l'eau potable et de créer un système écologique. voilà, qui ne dépense pas d'énergie, enfin, ne consomme pas d'électricité autre que celle que l'on arrive à produire avec la force hydraulique. Voilà. Donc là, j'ai trouvé intéressant de vous mettre un projet d'ingénieur hydraulicien, donc qui calcule tous ces systèmes-là et qui arrive à réaliser son projet. Voilà. Ici, vous avez le résumé de ce que je vous ai expliqué en profil entre l'aqueduc et réservoir, toute l'installation et finalement le fonctionnement du UFG. Donc, je vous montre quelques images de ces travaux quand même qui étaient assez importants pour le service des fontaines, puisqu'on a beaucoup participé, notamment les fontainiers à cette réalisation. Ils ont suivi tous les travaux avec certaines entreprises, puisqu'il a fallu curer ce fameux aqueduc. Donc, les fontainiers ne pouvaient pas le faire. Ensuite, ils ont suivi tout le tracé de la conduite et le positionnement avec l'altimétrie parfaite et la pose. Donc, l'aqueduc est tout là-haut. Hop, hop. Ici. Et on descend une conduite vers le bassin. Donc ici, vous avez une image de la tranchée qui a été faite dans une partie de glaise autour du bassin et qui arrive directement sur le bassin qui était encore plein. Donc là, je vous ai mis une image pour vous montrer l'importance des travaux et la non-facilité de réalisation. Le terrain n'étant pas très stable, il a fallu coffrer l'ensemble et protéger surtout les personnes qui travaillaient dans cet espace-là. Voilà. Une fois que la conduite est arrivée à la bord du bassin, il fallait poser cette nouvelle conduite en fonte à l'intérieur du bassin. Donc tout le bassin a été vidé pour pouvoir faire cette pose. Et ensuite, les fontainiers ont voulu travailler à l'ancienne et poser, comme à l'époque, un bout de tuyau en plomb. Donc vous voyez qu'ils utilisent les fameuses soudures à la louche. Donc, voilà. Donc ils ont vraiment voulu reprendre ces techniques-là. Et ce morceau de plomb va être posé au bout de la fameuse conduite en fonte au centre du bassin. Voilà. Et le dernier travail des fontainiers dans le bassin, c'est de poser le dernier tuyau vertical qui va supporter le fameux ajoutage qui va créer l'effet d'eau. Donc toujours technique à l'ancienne et souture à la louche, avec un petit peu de souture autogène avant pour maintenir. Voilà. L'autre travail des fontainiers, ça a été de créer l'ajoutage. Donc on n'a pas créé le jet d'origine, parce que c'est un petit peu compliqué, mais il pourra peut-être être recréé plus tard. En fait, c'était une gerbe avec 12 petits jets. Donc techniquement, on n'avait pas la solution, mais on a voulu recréer le même effet d'eau. Et cet ajoutage permettait de le faire. Donc ce fontainier a pu recréer un ajoutage, mais en trois parties, en prenant un morceau de bronze et en le formant complètement. Donc les trois morceaux s'emboîtent parfaitement et le jour de l'inauguration, il a mis le dernier morceau de cet ajoutage pour faire fonctionner l'ajoutage. Donc voilà, donc là vous avez le jet en fonctionnement. Donc vous avez l'ajoutage bien visible et vous avez le fameux jet qui répond au grand jet de Marly qui est au fond. Et donc, ça commence à donner une certaine consistance aux eaux de Marly, même si on est très, très loin de ce que Louis XIV avait pu réaliser. Voilà. Les prochains travaux que le service des fontaines compte réaliser, c'est au niveau de l'abreuvoir. Donc, je vous ai dit qu'on avait l'abreuvoir qui est complètement restauré, mais nous n'avons pas ces effets d'eau, ce qui est très dommage, car il y avait trois bouillons. Hop. Trois bouillons et des nappes ici qui coulaient, mais avec une grande profusion. En fait, c'était une grande masse d'eau et c'est ce qui donnait la beauté de cet abreuvoir. Donc, M. Bultez a calculé qu'il fallait 800 litres seconde pour créer cette nappe. Donc, un projet a été réalisé. En fait, on part de la dernière vanne du miroir et on descend vers le mur de l'abreuvoir, mais malheureusement avec cette image on ne voit pas grand chose. Ici on est au niveau de la rambarde de l'abreuvoir. Donc vous voyez la descente de tuyaux qu'il faut pour arriver vers l'abreuvoir. Et donc ce qu'il faudrait, c'est l'installation de ces parties de conduite pour pouvoir alimenter les nappes. Voilà. Donc ici, on est du côté du mur de l'abreuvoir, du côté jardin, et de l'autre côté vous avez l'abreuvoir. Et on va dire que presque par chance, mais c'est pas une chance, une partie du terrain s'est effondrée, ce qui a permis de réaliser quelques travaux en vue de cette future nappe d'eau. Donc vous voyez, l'effondrement était assez impressionnant et ensuite les entreprises ont dû vraiment dégager le terrain pour atteindre le passage vers l'abreuvoir. Donc, il a fallu recréer un morceau de galerie ici pour pouvoir rejoindre la galerie qui existait effectivement et pouvoir poser 4 tuyaux qui permettront d'avoir les fameux 800 litres seconde. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer la future pose des tuyaux. Voilà. Et ici, vous avez la fin de la maçonnerie de la galerie qui est en train de se finir, avec les 4 fameux tuyaux qui ont pu être posés en vue de l'attente de la connexion pour pouvoir se reconnecter avec le miroir. Et sur la dernière image, pendant que l'abreuvoir a été restauré, quelques essais d'eau ont pu être réalisés avec des pompes en intégrant 800 litres seconde. Et on a pu recréer l'effet de cette fameuse nappe d'eau que l'on pourrait avoir si l'on faisait ces fameux travaux. Donc ce qui nous reste aujourd'hui, c'est à trouver un mécène pour pouvoir poser les derniers tuyaux pour pouvoir avoir cet effet d'eau. Voilà, merci.